Chapitre 5, dictée, version rapide du Petit Chaperon Rouge. Do you all know the tale of Little Red Riding Hood? Well, if you don't, here is the Madame Berman very short version. Écrivez ce que vous entendez. Il était une fois. Il était une fois. Une petite fille qui portait un petit manteau rouge, si joli, que tout le monde l'appelait Le petit chaperon rouge. Point. Que tout le monde l'appelait le petit chaperon rouge. Point. Sa mère faisait des galettes et dit à sa fille d'en porter à sa grand-mère. Je répète. Sa mère faisait des galettes et dit à sa fille d'en porter à sa grand-mère parce qu'elle était malade. Parce qu'elle était malade. Point. Lorsqu'elle arriva, virgule, la petite fille ne reconnut pas la voix de sa grand-mère. La petite fille ne reconnut pas la voix de sa grand-mère. Point. Le loup déguisé dit à la petite fille. Le loup déguisé dit à la petite fille de se coucher dans son lit. De se coucher dans son lit. Et là, en une bouchée, il la dévora, pauvre petit chaperon rouge. Et voilà pour le petit chaperon rouge, version rapide. À demain.